j'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. C'est le 17e jour de ce nouveau confinement, et d'ailleurs je tiens à m'excuser auparavant pour l'heure tardive où sortira potentiellement cet épisode, parce que je sors d'un gros enregistrement de 4 heures pour le podcast de la nuit. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller écouter, c'est également dispo sur toutes les plateformes, et c'est un podcast où on parle de films qui font l'actualité, de films liés à une thématique précise. Bref, toujours est-il que je suis très heureux de faire ce podcast, surtout qu'aujourd'hui on va parler de La Cage Dorée de Ruben Alves. Marie, c'est tes heures de pause. Bonjour, Madame Richier. Elle te prend pour une conne. Tout le monde fait ce qu'il veut de toi. T'es trop gentille, comme ton mari. Trop bon, trop con. Nous avons le regret de vous informer que votre frère est décédé la semaine dernière. Vous héritez donc de la maison de famille, ainsi que 100% des parts de la société Quinta do Namu, exploitante 20 Porto. On est riche ! On est riche ! Mais qu'est-ce qu'ils vont penser ? Ils vont penser que Maria et José, ça fait 30 ans qu'ils bossent comme des acharnés et qu'ils méritent ce qui leur arrive. Tu vas avoir ma maison au Portugal ? Ma souriez ? La Cage Dorée, c'est le premier long métrage de Ruben Alves, et ça met en scène Maria et José, qui sont un couple de Portugais qui vivent à Paris. Elle est concierge, lui est maçon. Alors oui, ça fait un peu cliché, mais vous verrez que le film s'amuse avec les clichés plus qu'autre chose. Ils vont apprendre, suite à un décès dans la famille, qu'ils héritent d'une part très importante dans la société familiale, et que du coup, ils ont accès à une maison au Portugal. Chose que tous les émigrés portugais rêvent de pouvoir revenir au pays et d'être tranquille. C'est vraiment quelque chose que tous les émigrés portugais rêvent de faire. Alors pourquoi je suis heureux de parler de ce film ? Puisqu'on va tout simplement parler de mes origines, car oui, je suis d'origine portugaise et fier de l'être. Et je trouve qu'il a rarement un film comme La Cage Dorée qui nous met tant en valeur et qui montre vraiment le vrai côté des choses. Parce que, encore une fois, comme je l'ai dit dans le synopsis, ça peut paraître un peu cliché, mais je me suis reconnu, moi ou un membre de ma famille, dans 99% des situations. Ça se voit que Ruben Alves, évidemment, a des parents portugais et qu'il est franco-portugais, parce qu'on vit tous globalement la même chose. Avec la famille proche ou éloignée, c'est globalement la même chose. Je pense à des scènes comme celle où elle joue aux cartes dans le bar, par exemple. Ça, si vous n'êtes pas portugais, vous n'allez pas comprendre. Si vous êtes portugais, vous allez éclater de rire. Voilà, c'est un film où, évidemment, pour tout comprendre, il faut être d'origine portugaise, il faut l'avoir vécu. Et si vous n'êtes pas, c'est pas un problème, parce que le film peut se regarder sans ça, tout simplement. Vous pouvez le regarder comme ça, parce que ça reste quand même très drôle. Et ça démonte énormément de clichés, ce qui est vraiment une vraie réussite du film. Alors, encore une fois, je parle d'un premier film, je fais pas exprès. En même temps, j'aime beaucoup ce film, j'aime beaucoup les premiers films. Si les premiers films sont réussis, j'en parle, sinon, je n'en parle pas, tout simplement. Et j'aime beaucoup, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, comme j'ai dit, c'est qu'on sent que Ruben Alves a vraiment vécu ces situations et qu'il s'inspire de ses expériences personnelles. Et il y a énormément de clichés qui sont démontés. Parce que oui, on en parle un peu dans le film, mais évidemment que énormément de Portugais sont maçons ou concierges, etc. Mais c'est à cause du contexte historique. Quand les Portugais sont arrivés en France, c'était pour fuir une dictature, et forcément, quand ils sont arrivés, ils avaient besoin de travailler, ils ont pris ce qu'il y avait, et évidemment, le BTP, c'était ce qu'il y avait. Mais le film aborde aussi les aspects qu'on met trop peu en valeur des Portugais, c'est-à-dire le côté serviable, surtout très travailleur, et super sympa, super convivial, etc. Alors, j'ai beaucoup aimé le fait que les clichés soient totalement démonté dans ce film. On a le personnage de Chantal Lobby, qui est Madame Caillot, qui est vraiment le cliché 100%. C'est-à-dire qu'elle confond le Portugal et l'Espagne. Elle se demande si c'est le gazpacho, les Portugais. Et elle pense que pour faire un accent portugais, il faut mettre à la fin de tous les mots. Voilà. Donc c'est vraiment le cliché vraiment du portugais, c'est un cliché à elle-même. Et elle apparaît évidemment comme ridicule dans ce film. En tout cas, c'est ce que j'ai pensé d'elle. Et ça prouve que, évidemment, ces clichés sont faux. Voilà, s'il vous plaît, arrêtez de dire « Oh là là, ils sont maçons, gna gna gna, ils sont trucs. Oh là là, il faut rajouter un « ch » à la fin de tous les mots pour faire un accent portugais. » Non, c'est faux. Alors, pour, évidemment, les portugais qui sont maçons et tout ça. Comme je l'expliquais, il y a une raison, c'est un contexte historique. Mais le film joue très bien avec les clichés. Vous allez peut-être trouver ça limite si vous venez pas d'une famille portugaise. Mais en tout cas, je peux vous dire que la communauté l'a accueilli à bras ouverts et que ça a fait énormément de bien de mettre en valeur les Portugais qu'on voit pas assez souvent au cinéma, je trouve. Alors au niveau de l'acting, j'ai trouvé ça hyper intéressant le fait que Ruben Alves ramène des acteurs qu'on a plus l'habitude de voir à la télé portugaise, comme Joaquim de Almeida qui joue José, ou encore Rita Blanco qui joue Maria. Évidemment, bon, un casting qui parle portugais et français, obligé. J'ai énormément aimé le caméo de Ruben Alves dans ce film, qui joue en humoriste portugais, qui fait un peu, voilà, qui c'est un peu d'autodérision en fait, parce que il fait un spectacle où il parle un peu des clichés sur les portugais, machin. Enfin bref, c'est un peu de l'autodérision et le caméo est vraiment très sympa. Après, on a quand même des bons acteurs français qui, pour le coup, jouent vraiment une famille pas de bourgeois, oh, un peu bourgeois, pas tellement bourgeois, mais bon, pur français. Bon, il y a Chantal Lobby qui joue la mère, Roland Giraud qui joue le père, et Lannick Gautry qui joue le fils. Et c'est un film qui va à la fois être léger et parler de thèmes un peu plus graves, à l'exemple de Play par exemple, sauf que là on va pas parler des mêmes. Dans les familles portugaises, on dit souvent aux enfants, tassez-vous, faites-vous petit, dites pas trop ce que vous pensez, machin, soyez polis, gentils, et ça c'est des valeurs qu'on retrouve dans quasiment toutes les familles. Et aussi il y a quelque chose d'ultra intéressant, c'est que justement bah, la fille de ce couple de portugais va avoir une relation amoureuse avec le fils du patron de José, donc Charles Caillot. Et évidemment, ça va susciter la honte, quoi, parce que le père va dire « Mais c'est le fils de mon patron, mais tu te rends compte de ce que tu fais, voilà. » Et encore une fois, je sais que vous ne comprendrez pas tout si vous voyez ce film sans avoir vécu les situations, mais je peux vous dire que c'est 100% réel et que je trouve que c'est magnifiquement bien amené et que Ruben Alves maîtrise à 100% son sujet. Et ça n'a rien à voir, mais j'ai énormément aussi aimé la photographie du film. Que j'ai trouvé vraiment une image magnifique. Alors évidemment, vous n'allez pas que découvrir des clichés, mais aussi la culture portugaise, l'importance du foot évidemment, la pétanque aussi, oui, parce que dans les petits villages au Portugal, ça joue beaucoup à la pétanque. Et vous allez aussi découvrir la gastronomie, la musique, la BO de ce film est absolument fabuleuse. Après, je suis pas tellement objectif, c'est parce que bon bah ça parle du Portugal et je trouve les musiques portugaises absolument fabuleuses, notamment un genre qu'on appelle le fado que je vous mettrai un extrait à la fin de ce podcast et je vous invite fortement à aller en écouter un peu plus parce que c'est absolument magnifique. J'ai oublié de mentionner au casting Alice Izaz que j'adore, qui est une actrice vraiment qui est dans Play, que je me souviens pas tellement, mais je pense que j'ai dit que je l'adorais déjà dans Play, et franchement que sa présence au casting, ça vaut le coup de voir le film. Et quand même, la cerise sur le gâteau, c'est le caméo de la légende Pedro Miguel Pauleta. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un joueur de foot portugais qui est maintenant à la retraite, mais qui était très connu et qui a été très très très bon, et qui est notamment passé par le PSG en France. Voilà. Et donc voilà, La Cage Dorée, c'est un film absolument drôle, absolument touchant, qui va mettre la lumière sur une belle communauté qu'on n'a pas l'habitude de représenter. Et j'avais déjà vu le film à sa sortie, donc en 2013. Donc j'avais 9 ans, et même à 9 ans, j'avais absolument adoré. Et donc, quand est sorti, il n'y a pas longtemps, Miss, le deuxième long-métrage de Ruben Alves, que je vous invite à aller voir à la réouverture des salles. Et d'ailleurs, quand les salles réouvriront, je ferai une semaine pour vous dire à peu près tout ce que j'ai vu et qui est bien. Et Miss sera dedans, évidemment. Et donc je me suis dit, j'ai envie de revoir La Cage Dorée, surtout que j'ai rencontré Ruben Alves, et que c'est quelqu'un d'absolument adorable, qui est franchement très sympathique, sans prise de tête, et qui fait des films à chaque fois pour mettre en lumière quelque chose qui n'est pas assez mis en lumière dans le cinéma. C'est le cas avec La Cage Dorée, c'est le cas avec Miss, et je comprends pas pourquoi il attend 7 ans pour faire des films, parce qu'il est très doué. Et du coup, j'avais un peu peur de revoir La Cage Dorée après 7 ans, mais je l'ai revu et j'ai autant rigoler, voire plus, puisque du coup forcément j'ai vécu de nouvelles choses entre temps et que je me suis reconnu dans plus de situations. Et voyez, ce film, c'est absolument touchant, absolument formidable, et je pense que c'est parfait pour conclure la semaine. Vous allez fortement rigoler. Si vous êtes portugais et que vous n'avez pas vu ce film, je vous invite d'autant plus à regarder. Mais si vous n'êtes pas portugais, bien évidemment, vous ne comprendrez pas tout, ce qui est dommage, mais vous avez quand même passé un agréable moment. Le film est disponible à la location sur Google Play, Orange VOD, Microsoft, YouTube, Canal VOD, Bbox VOD et Rakuten TV. Et il est disponible à l'achat sur Google Play, Orange VOD, Microsoft, YouTube, Canal VOD, Filmo TV et Rakuten TV. Voilà, c'est avec ce film que se conclut notre semaine spéciale cinéma français. J'espère vraiment avoir réussi à changer votre point de vue sur le cinéma français. Et si ce n'est pas le cas, dans tous les cas, il y aura d'autres films français en recommandation. Mais à partir de demain, on reprendra une semaine normale où on va conseiller toutes sortes de films de toutes nationalités. Eh bien, écoutez, j'espère vous avoir convaincu de regarder La Cage Dorée. Et si ce n'est pas le cas, on se retrouve demain pour une nouvelle recommandation. A espuma da praia, como um pastor que desmaia.